Tous les dimanches, une heure de son 100% rail. Avec DJ Case sur Skyrock, c'est Rail Suprême. Et c'est DJ Case comme chaque dimanche, même pendant les vacances, il est là, il est là, en pleine forme. Toujours, toujours. Ça va bien Case? Ça va, tout va bien. C'est parti pour Rail Suprême, ce soir tu es venu avec, des avec du renfort, avec du renfort. Oui. Yeah. Même un double, tu peux rajouter un triple. Les filles. La première fois d'ailleurs qu'on ramène des filles, je crois. Ouais, bah c'est bien pour une fois. Girl power. Ça nous change des mecs que tu nous ramènes. Bah, pendant les vacances, les mecs ils veulent pas, ils sont pas trop courageux. Des mecs avec des chichas, des trucs chelous, tu nous ramènes dans Rail Suprême, franchement. Voilà, bah présente-nous un petit peu qui sont ces invités. Alors, ce soir dans Rail Suprême pendant une heure. Il y en a une, c'est Kenza Farah. Ah, bonsoir. Je la reconnais. Voilà. Yeah. Je reconnais sa voix, je la reconnais même de visu puisque je l'ai en face de moi. Yes. Ça va bien Kenza? Ça va très bien et toi? Bienvenue dans Rail Suprême. Merci. T'as l'habitude des planètes rap, là c'est Rail Suprême, c'est l'émission de Case. Ouais, super contente d'être là, ouais. Ça change, c'est cool. Ouais, c'est une autre ambiance, tranquille. Une ambiance cool. Ouais. Donc Kenza qui est là, qui à mon avis est là parce qu'il y a le projet qui arrive et qu'elle est dessus aussi. Exactement. Paris Oran New York, on va en parler durant l'émission. C'est ouais. Ça. Et il y a Diesel. Hello. Hello Diesel, comment ça va? Ça va. Je connais un peu moins Diesel. Diesel, c'est une nouvelle artiste qui monte, qui est sur le label Juston et on a pu l'écouter sur un morceau qu'on met souvent en playlist. Le titre c'est Jnouné. Jnouné, le fameux Jnouné. Le fameux Jnouné. Le fameux Jnouné. Voilà. Donc c'est Diesel, cette artiste-là. Est-ce qu'on peut avoir un petit CV express de toi, mademoiselle? Bah, moi, Diesel, artiste signé chez Juston Records. Donc voilà, des projets qui arrivent. Voilà, surprise. Très bien, bah écoute, on essaiera d'en savoir plus pendant une heure. On a une heure pour te travailler. On a une heure et on interprétera tout à l'heure En live. En live, un morceau inédit du projet Paris en New York, donc qui sort le 25 août, qui est déjà en précommande sur iTunes. Bon ouais. Les filles, c'est vous qui ambiancez le Rail Suprême hein. Bon, on va c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, vous avez votre micro devant vous. Yes. Tu as vu Diesel, regarde, il y a le on, le off, juste devant toi. Quand vous voulez intervenir sur les morceaux, vous vous débrouillez, c'est vous. Ok, okay. On y va, Case? Allez, allez, coup d'envoi. Tous les dimanches. Une heure de son, c'est Rail Suprême. I'm shocking. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie ne vient qu'en dépanne. Un seul sourire de toi et je revis. Tu es ma terre, tu es mon pays. Des mondes de temps, j'ai rêvé de ton amour dans mes nuits. Je n'ai besoin de rien, comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens, yeah, yeah, yeah, Rail Suprême, Skyrock. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they want to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final vote. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do us part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie ne vient qu'en DJ Kay, c'est le feu sur Sky. Rail Suprême, Rail Suprême, avec DJ Kay sur Skyrock.

C'est DJ Case au contrôle de Rise Supreme avec au programme Case. Qu'est-ce qu'on a pu écouter? Avec déjà des jolies ladies qui étaient avec nous. Kenza Farah et Diazel. Et qui sont là, mais tu veux les laisser partir ou quoi? Non. Jamais la peine d'arriver. Jamais de la vie. On a que ça à faire, de manière. Et voilà, voilà. Donc Rise Supreme, tu le disais, avec Diazel qui est là, avec Kenza Farah. Voilà, qui ont fait un titre en commun pour mon projet. Et qu'on a pas écouté. On va écouter. C'est la surprise. Surprise. Donc le titre, c'est Matrixé. C'est Kenza Farah, Diazel, Fat Man Scoop, l'américain. Et le titre, c'est Matrixé. Toi, Kenza, tu le connais depuis longtemps, Case, ou pas? Ouais, on se croise depuis pas mal de temps. Je respecte beaucoup son travail. C'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup aimé, surtout dans notre communauté. Voilà, c'est une fierté. On est super content qu'il soit là et que son projet sorte enfin. C'est des années de travail et que ça aboutisse. On est fiers et on est là sur le projet pour le soutenir, quoi. Bon, et puis un petit mot pour Diazel aussi. Tu connaissais un petit peu? T'avais entendu ce qu'elle faisait? Ouais, je connaissais Diazel. J'avais entendu ce qu'elle faisait sur Internet. J'étais tombée sur ses clips. Et puis, quand on m'a parlé du projet Akaïs, on m'a proposé pas mal d'artistes et moi je voulais absolument poser avec elle parce que pour moi elle avait vraiment quelque chose. Merci. Et c'est une artiste qui je pense va devenir grande et c'était un véritable plaisir de collaborer avec elle. Diazel, toi t'as commencé comme ça par des vidéos aussi en balançant, tu balançais des vidéos. Ouais c'était ça au début, c'était sur le net. Et voilà, au début, j'étais pas chez Justin, j'étais dans un autre label. Et après, j'ai commencé à travailler avec mon label actuel. Et voilà, là, on va tout déchirer, mettre le feu. Et en attendant, donc, on vous retrouve le 25 août, sortie de Paris au Rang New York. Et on rappelle que habituellement, Paris au Rang New York, c'est des mix que tu fais. C'est ça. Et là, ce ne sera que des inédits. 25 titres inédits. C'est ça. Et on pourra d'ailleurs le fêter dans un Planète Rap spécial, la semaine de reprise de Planète Rap. Exactement. Le 18 août. Le 18 août, on se retrouve tous ensemble. D'ailleurs, c'est déjà en précommande. Ah bah on peut y aller, on peut cliquer. Il y a déjà 3 titres de disponibles, dont celui qu'on vient d'écouter, Jnounet, un autre titre de Jules, fidèle à ma team, et du swag. On est reparti pour une nouvelle session. Allez. Let's go. Allez. Skyrock, Rise Supreme. C'est dans un monde où tout le monde est à moi, dans un monde où personne ne me dévisage. Je sais que ça ne sera pas possible, alors autant faire face à vos critiques. Tout le monde a ses différences et chacun son délire et surtout chacun sa chance. Mais c'est pas grave, on s'en fout, soyons tous, faisons du son. On s'exprime, on s'attire, on s'évite tout en sexy. Hello Paris, comment ça va? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça vous dit qu'on se follow? Oups, j'ai pas fait des présentations. Moi c'est des élèves et des fabricants. La salam t'a fait des bras. Matrixé, matrixé. Hey, passez-moi le mic. Laissez-moi dans ma matrice. Je pourrais prévenir ma gueule. Kenza Diazel, c'est authentique. Le flow a du caractère. Je suis dans un monde parallèle. Parfois je fais tout de travers. Toi et moi c'est pas la même. C'est pas la peine. Je suis matrixée, je suis dégalée. T'arrives pas à me cerner, t'arrives pas à me garder. Je me sens pointée du doigt. Oh yeah. Y'a quelque chose qui ne va pas. J'crois que j'suis trop dans mon délire. Pourtant je n'ai pas perdu la tête. Oh, rien à voir avec la suite. C'est parce que tu dis c'est pas marrant. Mais Paris, Fort, New York. DJ Case, Kenza, Diazel, Matrixé. Zama, zama, sebok tu yang besar. Zama, zama, kopi tidak. ambiance, ambiance à fond. Hein. حسنة سواتي دوين النوم توقدت ناس حنا ثاثي يكوي وذروم ثاروارات صغلت تلوي ثاقلوم أما سلام مثاث يمد ومشوم حسنة سواتي دوين النوم توقدت ناس حنا ثاثي يكوي وذروم ثاروارات صغلت تلوي ثاقلوم يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا Sit for the love to receive La la la la la la la la la Allez Kenza, fais nous la danse du ventre Y'a Jezel sur la table, c'est chaud C'est fait, c'est fait Wouh Ambiance braille Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est le feu, comme tu le dis, Diesel, avec DJ Case au contrôle. Ah, à DJ l'instant. Case est très, très, très chaud ce soir. Là, pour bah, vous aussi, les filles, ça grimpe sur la table, ça danse du vent. Ah, ouais, on s'ambiance, là. On va vous dire que c'est très, très chaud ici dans le studio. J'espère que pour vous, c'est la même. C'est la fête. Rail Suprême avec DJ, c'est toi qui mets tout le monde dans cet état, Case. C'est les musiques, de. Ça rend fou. Je t'ai pas envoyé notre Junette de là-bas qui donne. Je t'ai pas envoyé notre Junette qui va pas tarder à débarquer dans le studio. Ah oui, vous connaissez pas la genounette. La genounésion. C'est la mascotte de l'émission, elle est là. Il est là. Pardon. Il est là. C'est fou. Défends-moi, Kenza, putain. Je savais pas que c'était toi. Mais c'est la genounette. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il a mis ce t-shirt. Bah oui, le t-shirt de possédé. Tout s'explique. Le t-shirt Illuminati. Les yeux qui sont camouflés. On comprend pas tout, ouais. C'est un signe tout ça. Ah ouais, il y a un truc chelou, il a un coq égorgé dans le dos, un truc chelou. Il y a quelque chose de bizarre. Mais qui est très bizarre, très mystique. Bon, Case, qu'est-ce qu'on a pu écouter ? On s'est écouté donc l'exclusivité mondiale Matrixée, donc de Kenza Farah, Diesel, Fatman Scoop. Je pense qu'il faudra même la réécouter avant la fin de l'émission. Bah, bien sûr, Bien sûr, allez demander. On voit les tweets depuis tout à l'heure. Remettez. C'est ça. Et un Magic System, et on s'est mis une petite série Kabyle, parce que bon, Kenza aussi des origines Kabyle, donc on est obligé de faire un big up. Azul, Fred de Jaitan Kabyle, donc il connaît l'huile d'olive Kabyle, il le connaît. Je connais toute la Jenny Parker, je connais Alger, la Kabyle. Il est tout, on savait pas ça. Attends. Connais tout. Il est resté là-bas un petit moment. Ah là, ça sent la petite copine. Ça sent la meuf au bled. Ça n'engage que toi. Ça sent la meuf au bled. Juste Kenza. Le mariage caché. Bon. Ouais, c'est ça. Ah, putain, pourquoi les yeux sont arabes comme ça? C'est comme ça. C'est les filles, c'est 4 déclarées, Kenza. 4 déclarées, waouh! Elle est cash, Kenza. Donc on en était, excusez-moi, on était dans la Kabylie. C'est ça, la Kabylie, on s'est terminé avec le chant des supporters algériens. Bon, on garde quand même un bon souvenir de la Coupe du Monde et de l'équipe d'Algérie. Magnifique. Ils ont gagné la Coupe du Monde, on peut dire. Ouais, ils ont gagné. Ils ont gagné. On a gagné, bah oui, attends, la Coupe du Monde pour l'Algérie, direct. On aurait pu. Un cheveu. Rien du tout. C'est ça. Bon, donc il y a les filles avec nous, il y a Kenza, il y a Diesel qui sont là, qui sont sur ton projet Paris au Rendez-vous. C'est ça. Ouais. Les filles, un petit point aussi sur votre actu. Kenza, il y a un nouvel album qui arrive. Dis donc. Ouais. Nouvel album, il est fini, il est bouclé, il est terminé, tout est prêt. Il y a juste à définir une date. Donc voilà, ça arrive à la rentrée, quoi qu'il en soit. Rentrée. La rentrée, ouais. Sur certains. Très bien. Yep. Et pour Diesel, par contre, toi, si j'ai bien compris, tu bosses. Ouais, je bosse en ce moment et bientôt un nouveau son qui va sortir. Et aussi les sons qui font partie du projet Akaïs qui vont tout déchirer comme d'hab. Alors, oui, Diesel, elle a participé sur 3 sons, dont Yune, celui-là et un autre son aussi. Qu'on n'a pas écouté en compagnie de Mokobé et Dry. Très bien, on pourra découvrir ça prochainement. Exactement. Akaïs, on va repartir dans un instant, mais tu le sais maintenant, il y a un tout petit peu, pas grand chose. Et on revient juste après pour la suite de Rail Supreme. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais ajouter un truc? Ouais, pardon. Je t'ai coupé la chute. On met l'orchestre national de Barbès juste derrière. Juste derrière l'ONB. C'est parti. Skyrock, Rail Supreme. C'est DJ Akaïs, DJ Akaïs. Tous les dimanches, 1 heure de son 100% Rail. Avec DJ Akaïs sur Skyrock, c'est Rail Supreme. Algérie, Algérie, Algérie, Maroc, Maroc, Morocco, Tunisie, Tunisie, Tunisie, jusqu'au bout de la nuit. Mais le dance floor, on y arrive pas mal. Toujours humble, modeste et OP. Le son de l'été qui met les mots de tête de côté. Entre le mariage, on se retrouve en boîte pour tout péter. Avec un passé, on s'attend à la sortie du CD. Get no.